tirage au sort, on a parlé assez récemment. C'est qu'on pourrait tirer au sort aussi des tâches pas cool, assez ingrates, et dire par exemple les gens qui prennent des notes, même si on n'a pas envie de prendre des notes, bon, tu peux démissionner, mais on va quand même tirer au sort ou après mettre des principes de difficulté sur démissionner ou non. Donc vraiment ces deux choses-là, formation, une chose qui est intéressante dans la formation, que je voulais dire, c'est dans le cadre d'une assemblée. Par exemple, si on élimine une assemblée, ben, il ne faudrait pas élire, changer l'assemblée en entière. Il n'y a aucune raison de vouloir changer toute l'assemblée en un seul coup. On pourrait changer la moitié de l'assemblée et comme ça les anciens apprendraient aux plus jeunes comment on se comporte dans cette assemblée. Enfin, on se comporte entre guillemets. Donc voilà, deux choses que je voulais dire. Tu veux l'annoncer, Camille? Tu sais, enfin, je dis juste que là-bas, il y a une controverse qui commence à 15h. Pardon pour la coupure du débat. Sur la question, voilà, l'éducation populaire est-elle politique? Merci, Camille. Alors, je vais ramener un peu ma science parce que tu parlais de l'histoire tout à l'heure. Il faut savoir que j'ai étudié l'Empire romain pendant des années et que, à la chute de l'Empire romain, enfin avant la chute concrète de l'Empire romain, le dernier Sénat a été élu au hasard par le peuple. En gros, il faut savoir un truc, c'est que le dernier empereur romain avait 11 ans et demi et qu'à l'époque, quand il arrivait au pouvoir, il ne pouvait pas élire réellement le Sénat autour de lui, il pouvait pas. Donc c'est le peuple qui a décidé, ils ont mis des noms au hasard dans un chapeau, ils ont dit voilà, on va prendre lui, lui, lui. Il faut savoir quand même que ça a apporté quelque chose d'assez. Moi, j'étais assez surpris, c'est que le Sénat a décrété la chute de l'Empire romain. Réellement. C'est-à-dire que l'Empire romain était un des empires les plus puissants au monde. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient réussi à faire un truc énorme. Et du jour au lendemain, avec ce fameux tirage au sort, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Donc moi, ça m'inquiète un peu ton histoire, réellement. Parce qu'on a des preuves dans l'histoire que ça marche pas forcément. Et voilà. Prendre cet exemple alors que l'Empire était moribond, enfin l'Empire ouais, d'Occident était moribond depuis longtemps, avec un empereur de 11 ans, quand même, c'est un peu limite, c'est un peu le, c'était déjà un peu n'importe quoi sur la fin. Et dans l'Empire romain, les partis qui étaient élus, dès qu'on est passé de la République à l'Empire, où il y avait des décisions collectives, certes avec des élections, ont très rapidement disparu. Et en fait, la plupart, enfin, c'était globalement l'empereur, enfin, j'exagère, mais qui décidait d'à peu près tout. Donc, prendre cet exemple, alors que c'était un empire en train de disparaître à terme, avec un empereur de 11 ans, c'est un peu limite. Moi, il y a quand même beaucoup d'autres exemples où ça a marché, le tirage au sort qui sont absolument inconnus. C'est par exemple à Venise, où pour éviter qu'une faction, grâce à l'élection, ait une faction minoritaire ait tout le pouvoir, on introduisait du tirage au sort parmi des gens qui étaient déjà préalablement élus pour éviter qu'il y ait trop enfin un pouvoir d'une minorité sur la majorité. Ça a été employé donc à Venise, ça a été employé à Florence, ça a été employé aussi à Genève. Bon, ça c'est un mix élection-tirage au sort. Sachant qu'aussi, même si c'est pas du tout du tirage au sort, il y a quand même une forte critique des systèmes électifs par les mathématiciens qui expliquent que dans certains cas de figure, on peut prendre le même corps électoral, prendre cinq systèmes électifs différents et avoir cinq candidats différents élus. Le système électif est quand même en partie aléatoire, surtout quand il y a le peuple hésite entre plusieurs personnes. Donc, on pourrait, voilà. Oui, enfin, je complète un peu ce que tu dis. Hein, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et, enfin, une des choses aussi, par exemple, pour laquelle le hasard avait été une très mauvaise image, c'est qu'on l'utilisait en France, je pense, d'autres pays d'Europe même, pour les conscrits, enfin ceux qui étaient réservistes dans l'armée, étaient tirés au sort et on dit, ah, toi, tu vas les combattre. Et depuis, ouais. Donc, enfin, ce qu'il disait aussi, c'est que des systèmes mixtes d'élections, tirage au sort, enfin, un système, quand on dit tirage au sort, souvent les gens pensent pur hasard. Non, il peut y avoir des mixtes, des mélanges entre le hasard pur et aussi l'élection. Et une chose que j'ai pas dit aussi, enfin, je suis chercheur en informatique. Et récemment, il y a une machine qui est dont l'algorithme est basé en partie sur hasard, pas du hasard pur, mais qui s'appelle AlphaGo et qui a battu le meilleur joueur mondial de Go. Donc dans ces choses de science, il y a peut-être des choses à tirer sur tiens, comment on pourrait se décider ensemble. Je précise juste aux gens qui viennent, hein, c'est, on est un peu en cercle, c'est vrai, mais c'est ouvert, hein, vous levez la main et je vous donne la parole. Hein. C'est, là, on est sur, on a une intervention sur le hasard en politique, donc n'hésitez pas à prendre la parole, vous faites un signe et je vous la passe. Oui, vas-y. En vrai, c'est pas grave. Alors, en fait, je pense que ça fait une transition parfaite en fait, avec un truc que je voulais dire. Donc, enfin, plus de, en science, dans tout ce qui est les systèmes complexes qui doivent prendre des décisions, et quel peut être le rôle d'éléments stochastiques ou du hasard d'une certaine façon. Et je trouve que ce serait peut-être intéressant, en fait, en général, c'est une question assez générale, d'élargir sur. Donc, je réfléchis par exemple à un réseau avec des neurones, donc ces petites cellules qui émettent des signaux électriques dans notre cerveau et qui prennent des décisions en fonction de l'information qui leur arrive. Et aussi de trucs qu'elles ont déjà stockés en elles-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a des réseaux qui sont très intéressants et qui permettent de mieux faire certaines tâches quand on ajoute une composante stochastique. Et je pense que ça peut être aussi intéressant un peu de réfléchir à des réseaux comme ça pour voir comment ou à quel endroit on peut mettre de composantes stochastiques pour peut-être avoir un réseau qui est assez fiable. Certains seraient rassurés, passeraient pas ces peurs d'avoir quelqu'un que sache qui arriverait au pouvoir qui pourrait être dangereux. Mais ça sera la troisième partie. Donc la deuxième partie, c'est une question plus générale en fait. Quelle est la part déjà dans nos systèmes électoraux de hasard? Je pense que ça reprend un peu un truc que tu as déjà dit. Et je me pose la question. Il m'est arrivé où à la fin, j'aurais pu voter pour peut-être deux candidats, trois candidats. Et je sais pas en fait en quelle mesure c'était par le hasard que j'ai voté pour un ou pour l'autre. Et je pense aussi... On a cette conception qui, à mon avis, est un peu qui est incorrecte. Ou en tout cas, je pense que c'est facile de tomber dans cette idée. C'est qu'on considère parfois qu'il y a des décisions rationnelles et un peu du hasard qui est juste pas défini. Mais aussi des décisions complètement irrationnelles, des décisions rationnelles et des décisions complètement par le hasard. Et les décisions irrationnelles, elles sont aussi là. Et le hasard peut peut-être aider à les contrer ou à pas les utiliser. Donc, finalement, le tout petit dernier truc... C'est que finalement, on parle aussi de quelque chose qui, à mon avis, est un petit peu hors sujet, mais qui pourrait nous faire peut-être réfléchir aussi à comment modifier le système. C'est, voilà, on dit, c'est un malade qui arrive, un incompétent qui arrive. Bon, c'est pas comme si la cinquième, où il y a plein de systèmes, où on n'a pas vu des malades mentaux ou des incompétents arriver tout en haut de l'État. Donc peut-être, en fait, qu'en parallèle, indépendamment de la composante stochastique, déterministe, que pourraient avoir nos systèmes, donc, plus ou moins de hasard, ce serait peut-être intéressant de blinder un peu les systèmes pour qu'on puisse pas faire de mal dans la... Je finis. Qu'on puisse pas faire de mal, en fait, du haut. Donc éviter en fait qu'il y ait qu'on puisse prendre des décisions nuisibles pour les gens et qu'il y ait un certain contrôle, que ce soit par hasard ou pas, qu'on puisse nuire aux gens. Voilà. Ah, merci, en tout cas, c'est très intéressant. Je vais essayer de rebondir en fait. Tous les points m'ont fait rebondir. Je vais le prendre à l'envers et je vais revenir à ce que je voulais dire au départ. Tu parles d'introduction de phénomènes stochastiques en fait pour en fait réguler des signaux qui seraient peut-être trop en étant calculés, qui seraient trop forts et mal régulés. Moi, j'aimerais introduire la notion d'échelle en fait parce que quand on introduit de la stochastique, c'est à une certaine échelle dans le système pour produire une émergence de phénomènes régulés. Voilà. Donc introduire déjà la notion d'échelle. À quelle échelle on veut introduire cette régulation-là. Bon. Et ensuite, on parle de système. Moi, je viens juste de débarquer, mais actuellement, dans un système pyramidal. Et je pense que, je ne sais pas si ça a été rappelé, mais personnellement, je remets en cause cette notion de la nécessité d'un système pyramidal et je prône l'horizontalité. Je pense aussi que les moyens informatiques ils sont là pour nous permettre ça, et notamment les algorithmes de détection de rumeurs et de panique qui peuvent, au sein d'une propagation horizontale de l'information, de la décision et tout ça, empêcher qu'on vote la fin de l'Empire ou la destruction immédiate de la société, voilà, parce que ça correspondrait, à moins que ce soit strictement nécessaire et qu'il y ait un consensus absolu. Mais les algorithmes ils sont là pour nous aider à décider. Hein, ce qui est important, c'est pas de sortir de la cistana à la décision, parce qu'à partir du moment où c'est les algorithmes qui vont faire la décision, on sait que c'est un cap qu'on passe qui est trop dangereux, quoi. Et je me souviens plus ce que tu disais en tout premier lieu, j'avais envie de rebondir dessus. Tu voudrais bien me faire rebondir, s'il te plaît, ce que tu disais juste auparavant. Les trampolines de l'autre côté, sinon. D'accord. Mais bon, alors voilà, déjà, la notion d'échelle, c'est important. Se rendre compte que si on est dans un système pyramidal, il y a des strates, c'est stratifié. Même si c'est horizontal, ça va être stratifié. Dans quelle mesure on stratifie, quels sont les phénomènes qu'on veut réguler par le stochastique, c'est vraiment le point que tu as soulevé, effectivement. Et puis remettre en cause le système pyramidal, quoi. Alors, juste du coup, il y avait 1, 2, 3, Didier qui est là-bas. Et je prends un tour de parole, comme ça vous voyez que c'est démocratique et que je passe pas devant tout le monde. Je voulais juste rebondir sur une chose que vous aviez dit tous les deux, sur la notion de moyens. Et c'est une chose qui est très importante, en fait, enfin, quand on parle de hasard, mais même de démocratie, c'est comment on va faire, parce que le vote, comme tu l'as dit, il peut avoir aussi une partie aléatoire. Donc de se poser, ce que j'étais assez content cette année, c'est que plusieurs initiatives, c'était là, tirage au sort, on va tirer au sort des gens, on va tirer au sort, mais c'est vraiment important de savoir comment on va le faire, en fait, le moyen qui va être employé, et de discuter sur comment. Donc par exemple, est-ce qu'on va utiliser un dé, des boules, et ça paraît des questions pas forcément intéressantes, mais une des forces du système démocratique actuel, représentatif, c'est le vote. Tout le monde peut comprendre comment le vote marche. On met un nom sur un bout de papier, on met dans une urne et on compte après. Donc c'est des choses intéressantes, et sur la mise à l'échelle, c'est d'autant plus important de voir comment on peut passer de la petite échelle. Forcément, quand on est une dizaine, un dé, ça suffit. Alors que quand on est un millier, un million, plusieurs millions, il faut tout de suite penser à des choses plus grandes. Donc pour penser. Mais je termine. D'accord. Il y avait. Non, c'était toi, pardon. Ah, vous vouliez. Allez-y, vous n'avez pas encore parlé. Je pense que la vraie démocratie, c'est peut-être le référendum, puisque on élu des gens qui nous représentent pas toujours, que malheureusement ils passent leur temps à se disputer le pouvoir ou parler de questions qui ne sont pas toujours même à l'Assemblée. C'est une histoire de querelle politique et en fait il ne résout rien souvent. Que malheureusement c'est ça les gens qui nous gouvernent. C'est pas forcément des gens qui nous représentent vraiment. Et c'est ça que moi je revendique en fait. On devrait donner beaucoup plus de pouvoir au peuple. Voilà, c'est tout. Je suis le peuple, quoi, qui veut. Alors c'était là. Toi. Alors je vais rebondir sur ce qu'il disait. Sérieusement, l'élection présidentielle cette année, c'est vraiment aléatoire, réellement. C'est 90% des Français savent pas quoi voter. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Français, qui vont aller prendre un bulletin au hasard et qui vont aller le mettre dans l'urne. Et c'est ça qui fait peur maintenant, c'est que les élections présidentielles sont réellement tournées. Moi, je regarde beaucoup les débats, je regarde beaucoup ce qui se passe, et j'ai l'impression que les gens, ils sont complètement perdus dans ce qui se passe. J'ai un ami à moi qui me disait hier, mais je vais aller voter qui? Je vais aller voter quoi? Ils ont tous les mêmes idées, ils ont tous le même programme. Je prends l'exemple d'Emmanuel Macron. Je prends l'exemple d'Emmanuel Macron dans le dernier débat, c'est Monsieur Poutou, je suis d'accord avec vous. Madame Le Pen, je suis d'accord avec vous. Monsieur Mélenchon, je suis d'accord avec vous. Il a jamais ses propres idées, ce mec-là. Mais ils sont tous comme ça, réellement. C'est que on écoute le débat. Moi, j'ai rigolé devant. J'ai fait, c'est quoi? C'est une fumisterie. C'est des gens qui vont nous enfumer comme tous les ans. C'est des gens qui vont nous dire, on veut ça. Et comme d'habitude, on va avoir plutôt autre chose. Mais je ferai pas d'insultes vulgaires au micro. Mais juste cette année, l'élection présidentielle, c'est réellement aléatoire. C'est du grand n'importe quoi, c'est du grand délire. Et là, réellement, j'ai envie de prendre un dé, tirer le dé, me dire, bah voilà, sur 11 candidats, je lance le dé, je vois quel chiffre il sort, et puis bah j'irai voter le numéro du candidat que j'aurais choisi, qu'il sera tiré au hasard. Je n'en ai pas pour longtemps, c'est juste pour contredire tout le monde. Hein. C'est même si je suis d'accord avec toi, mais dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'on parle de. C'est du macronisme. bon, c'est pas tout ça, oui. On parle de rationalité ou de hasard. À mon avis, c'est pas ça du tout. C'est ou la rationalité ou l'instinct. Et en effet, ce qu'on voit, c'est les soi-disant campagnes électorales, c'est pour exciter les instincts de tout le monde. C'est un contre l'autre, un contre les Russes, un contre les Chinois, un contre le commerce, machin, etc. Contre l'OTAN, contre ces... Mais c'est, le but, c'est pas de dire quelque chose. Le but, c'est d'exciter le plus de monde possible. Et quand tout le monde est bien excité instinctivement, on va voter pour celui qui excite le plus la populace, on va dire. Une petite réponse ? Juste sur le référendum, chercher un excellent exemple de décision qui était plutôt mauvaise, enfin, personnellement, que je trouve très mauvaise, le Brexit. Ça a été voté au référendum. Est-ce qu'on reste ou pas de l'Europe ? Donc on a consulté les gens et ça a eu un résultat assez catastrophique. On aurait mieux fait de tirer au hasard. Bon. Je voudrais déjà aussi faire un rappel sur les mots voter et élire. C'est deux mots différents. Élire, c'est choisir quelqu'un ou laisser les autres choisir quelqu'un qui va voter à votre place. C'est donc perdre son droit de vote. Et voter, c'est prendre une décision d'un temps limité. Ça peut être un budget, ça peut être des lois, avoir le droit de se réunir ici ou pas le droit. Donc c'est quand même deux choses différentes et c'est important de faire attention aux mots. Quand on va choisir des gens, on élit. Et d'ailleurs, on a une carte. Et sur la carte, il est marqué électeur, hein, carte d'électeur, pas carte de vote. Même si très rarement on nous donne l'occasion de voter un référendum. Alors après sur le référendum, il y a des, quand même beaucoup de cas où on ne peut pas faire des référendums avec toute la population française. Typiquement, c'est historique, on utilise encore du tirage au sort pour les jugements, je crois, en cour d'assises. Et on ne peut pas tout le temps reprendre toute la population française pour ces décisions-là. Donc il est normal, si on utilise... une méthode qui est proche du référendum, de tirer des gens au sort pour des décisions mineures. Après, quand on prend des décisions soit avec tout le peuple, soit avec une partie des gens, il est important que les gens ne répondent pas comme si c'était un sondage. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez répondre à telle question à laquelle vous n'avez pas réfléchi ? Alors, vous êtes pour ou contre ? C'est ça un sondage. Alors qu'un référendum, normalement, il faut que les gens aient la possibilité de s'informer, d'avoir une idée sur les avis contraires, les avis pour. Et c'est vrai aussi pour une élection, celle-là étant assez surprenante, parce que quelque part, il y a l'année dernière, il y a eu des primaires. Au premier tour, il y a eu 6 heures de débat des primaires pour les deux camps connus. Et là, à l'élection présidentielle, on a eu 3 heures de débat entre les 11 candidats. C'est-à-dire moins que pour chacune des deux primaires pour le premier tour. Donc, comment avoir un avis éclairé pour une élection ou pour un vote si on n'a pas d'informations, sachant que toujours pareil pour le référendum ou si on fait du tirage au sort, mais surtout pour le référendum, si les médias appartiennent essentiellement aux plus riches, aux 1% ou 1 millième les plus riches, et qui ont tendance à donner, à faire disparaître certaines informations importantes, comment avoir un avis éclairé si on a essentiellement des informations qui vont dans un sens mais pas dans l'autre ? Donc le référendum, il faut savoir qu'il a des limites si on a un avis qui n'est pas éclairé. Et l'exemple sur le tirage au sort qui était donné à la fin, par des gens qui ont été nommés, enfin tirés au sort à la fin de l'Empire romain, est-ce que finalement on a mis une procédure qui fasse qu'on a pu sélectionner intelligemment les gens et permettre qu'ils puissent débattre dans de bonnes conditions ? Là, je ne sais pas. Mais c'est très important parce que le mot démocratie est souvent traduit... pour qualifier ce qui s'est passé à Athènes, il y a des fois on dit que c'est une république, des fois on dit que c'est le gouvernement de la foule, et ça, ces deux exemples qui sont très différents sont des fois appelés démocratie l'un ou l'autre. Le gouvernement de la foule, c'est finalement des gens qui n'ont pas forcément énormément d'informations et qui sont un peu emportés par les émotions, et c'est pas très structuré, et c'est connu pour donner d'assez mauvaises décisions, alors que si on prend un référendum ou un tirage au sort où on prend un échantillon qu'on le veut le plus représentatif de la population française dans cet exemple, mais si possible en éliminant ceux qui sont un peu fada, qui pourraient gêner le débat, ça sera déjà un peu plus cohérent. Si on leur donne des informations contradictoires, ça sera plus cohérent. Si ils ont, pour des gens tirés au sort qui auraient des fonctions particulières et qui se comporteraient mal, est-ce qu'ils vont être sanctionnés à la fin, comme ça se faisait à Athènes? Si par exemple vous êtes tiré au sort, vous avez été d'accord pour et vous venez jamais, si vous n'êtes pas sanctionné, bon, ça décrédibilise le tirage au sort, mais ça décrédibilise aussi l'élection dans le cadre des députés qui ne sont jamais à l'Assemblée. Voilà. Pas de conclusion. Je fais juste une précision. Là-bas, il y a une controverse qui commence. En fait, c'est une controverse sur l'éducation populaire est-elle politique. Donc, c'est une sorte de spectacle. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller là-bas. Mais vous pouvez aussi rester ici. La parole est libre. Hein. On est un peu en cercle parce qu'on s'est posé comme ça. Mais vous pouvez vous asseoir, rester debout et me faire un signe quand vous voulez prendre la parole. Donc là, il y avait juste une petite intervention là. J'avais pris un tour de parole et ensuite la dame. Moi, je voulais juste dire, en fait, je trouvais vachement intéressant dans une société, dans des médias, dans un système super biaisé et unidirectionnel ou à un seul sens, ce qui est cool du bruit, c'est que, ou le stochastique ou du hasard, c'est qu'il peut te ramener dans tous les sens et te faire explorer de nouvelles possibilités. Donc dans ce sens-là, je pense que le hasard est vachement intéressant. Oui, moi ce que je voulais, c'était remettre en cause totalement quelque chose qui a été dit tout à l'heure sur quand on va voter, c'est peut-être on va voter au hasard. Je pense que c'est complètement oublier toute la manipulation médiatique qu'il y a derrière et tout ce qu'on nous met. Il suffit d'aller dans le métro. Enfin voilà, tous ces slogans qui nous appuient l'idéologie quoi, qui nous appuient sur l'esprit et qui peuvent certainement aussi déterminer justement à quel moment on va mettre cette chose-là dans le vote. Donc il y a le hasard, mais il y a aussi l'aspect non conscient. Qui fait qu'il y a énormément de choses qui passent dans notre esprit, qui vont déterminer nos actes, sans pour autant que ce soit de l'ordre du hasard. Donc, faut pas prendre non plus le hasard comme étant tous les moments où on n'est pas conscient de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Il y a aussi énormément de choses, donc dans notre environnement, mais aussi par rapport à notre propre histoire, qui va nous déterminer à faire certaines choses. Et ça, ce n'est pas de l'ordre du hasard. Et justement, le risque qui serait de mettre le hasard un petit peu partout en politique, ce serait comme si cet aspect-là n'existait pas. Alors que s'il existe, et il faut aussi qu'il y ait des règles très strictes et bien posées pour éviter que ce soit ça qui détermine ce qu'on fait. Et donc c'est à vous. Et n'hésitez pas, vous me faites un signe si vous voulez prendre la parole. Hein. Savez-vous comment le FN est financé? Vous le savez? Par le biais d'une secte en Allemagne via la Belgique. J'étais victime d'une secte. Je suis allée là-bas, on m'a emmenée avec une amie. Le monsieur, il voulait avoir des infos. J'ai commencé, j'ai arraché le papier. Je travaillais dans l'éducation nationale. Ils le savaient, ils nous ont interrogés. Donc tout à l'heure, j'ai dit, 31 ans de carrière, tumeur au cerveau. J'en ai démissionné de ce secte. J'ai un ami qui travaillait pour le Front National. C'est des gros bijoutiers. Je les connais. C'est pas facile à dire, mais c'est ça le FN. Donc Marine Le Pen, elle monte à Hénin-Beaumont, mais attention à elle. Je recadre juste un petit peu le débat. On est sur la question du hasard en politique. Donc si les prises de parole peuvent rester dans le thème, je vous en remercie. Donc Mehdi, c'était à toi, et ensuite... Ah bah c'est rapide. Alors en fait, pour revenir sur un premier point sur votre discussion sur le fait qu'on vote un peu par hasard, Adèle disait que on vit quand même dans un environnement, dans un contexte médiatique qui fait qu'il y a des slogans, il y a des phrases, il y a du marketing politique qui ressort. Enfin, par exemple, le revenu universel, que par exemple la 6e République. Enfin, c'est des choses comme ça qui reviennent en boucle. Et finalement, on reste trop souvent à la surface, et c'est vraiment assez compliqué de creuser le sujet dans le rouleau compresseur d'actualité et de sujets, de batailles dans lesquelles on est. Donc c'est quand même un... A priori, si on voulait combattre ce hasard en politique, il faudrait travailler en permanence sur ces idées-là et en permanence débattre et comprendre un peu ce qui est impliqué par l'un ou l'autre. Enfin, il y a des solutions, des innovations en termes de gouvernance qui sont mises en place très régulièrement, qui font l'objet de débats dans la communauté scientifique ou bien dans les communautés politiques. Et donc ça, c'est des choses qui devraient être l'œuvre, enfin en tout cas le sujet d'un certain nombre d'éducations populaires, comme ce qui est fait ici, et donc se diffuser à travers des positions comme ça. Deuxièmement, on parle tout à l'heure d'abstention, de vote utile, et de vote par hasard, de lancer un dé et de choisir de cette manière-là pour qui on va voter. J'ai plutôt tendance à dire que si on ne trouve pas un choix qui nous satisfait, il faut voter blanc, il faut déposer un bulletin blanc, parce que ça va permettre de mesurer de manière pas ambiguë, comme pourrait l'être l'abstention ou le vote nul. Ça permet de vraiment de mesurer le fait qu'aucun électeur ne trouve son choix parmi les propositions. Donc c'est ça, pour moi, la seule manière de faire monter ce message qui est « vous ne correspondez pas à ce que nous souhaitons ». Il n'y a que le vote blanc qui dit ça. Et donc, l'abstention, c'est « vous allez à la piscine, vous n'en avez rien à faire, vous êtes contre la démocratie ». Ça dit vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Le vote nul, c'est une erreur matérielle. Le vote blanc, ça veut dire une seule chose, aucun choix ne me satisfait. Donc, et ça, si ce vote blanc augmente, ben, il va finir par atteindre les oreilles des politiques. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on regrette qu'il n'y ait pas de conséquences électorales au vote blanc, mais la seule manière de le rendre quand même de plus en plus concret, ben, c'est de l'utiliser quand il est en accord avec ce qu'on pense et avec notre position politique, qui est que bah, aucun candidat ne correspond à notre aspiration. Voilà, merci. Juste une réponse de l'intervenant avant. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que si vous voulez nous proposer des interventions, parce que là, il y a une discussion qui est passionnante et qui serait certainement à approfondir, vous venez me voir. Enfin, n'importe qui peut proposer une intervention ici. Hein, voilà. Pour ceux qui seraient frustrés de ne pas parler assez. Juste sur apporter de nouvelles idées ou... Je disais le vote blanc. Une des choses qui me choquait un peu, enfin choquait, en venant ici à Nuit Debout, j'ai rencontré plein de personnes que je côtoyais pas d'habitude, notamment des SDF ou des, et je trouvais que la parité homme-femme était assez bien respectée entre les commissions, c'était assez joli. Mais par contre, il n'y avait pas beaucoup de gens de droite. Il y avait pas, enfin Glucksmann, je me rappelle qu'il s'est fait. C'est un des philosophes assez de droite qui se fait éjecter de la place. Finkielkraut, voilà. Enfin, des gens qui sont de droite, où il y a quand même pas mal de gens en France qui sont de droite. Hein. Et il n'y en avait aucune sur la place de la République. Et c'est intéressant d'avoir, enfin, que ce tirage au sort, enfin, c'est une des aspirations que j'ai, en me disant que les personnes qui n'ont pas l'habitude de parler, justement, qui n'ont pas la parole, à qui on dit non, vous, c'est pas pour vous, en fait, ici. Et ça permettrait de les choisir en tant que modérateur, en tant que décideur, et ça les attirerait, en fait, à venir rassembler les gens, dire non, moi, je suis pas d'accord, je voudrais qu'on me laisse parler, et pouvoir faire attirer les voix, justement. Voilà. Alors, je vais rebondir sur deux choses. Tout à l'heure, on parlait de la manipulation médiatique de l'élection présidentielle cette année. Faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une aberration qui a eu lieu au parti. Ça permet d'ouvrir des perspectives pour ceux qui sont condamnés à l'abstention, au vote blanc, au vote nul. Parce que dans la pratique, je vais vous prendre le cas des législatives partielles de Nantes. Donc législative partielle, très peu de participation, donc 25% de participation, sachant que parmi les gens qui participent, il y en a quand même 12% qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, donc ceux-là aussi ne participent pas. Une fois qu'on a pris ce petit chiffre, si on ramène ça à 100%, il y en avait 10% qui avaient voté blanc. Bref, la personne qui a été élue pour des partis, elle a eu 7%, si on ramène ça aux 100% qui sont en âge d'élire, elle a eu 7% au premier tour, plus un autre candidat qui était proche d'elle qui avait eu 5%, ça fait 11,9% au deuxième tour. Et comme ça, ça a été traduit dans les journaux sous forme de suffrage exprimé, c'est-à-dire 56% de suffrage exprimé, donc elle a forcément été bien élue. Sauf que 11,9% des gens en âge d'élire, c'est moins d'un huitième de la population. Et donc en fait, on est dans une situation où une majorité représente une petite minorité. Et en fait, ça, c'est assez dangereux parce qu'historiquement, le suffrage universel masculin a été obtenu après une révolution de 1848. Donc les députés qui ont été élus ont décidé de supprimer le droit d'élire à tous les gens qui n'avaient pas la même résidence depuis 3 ans, qui étaient essentiellement des ouvriers apparemment historiquement. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ben 2 ans plus tard, il y a Napoléon III qui est arrivé, qui a proposé un référendum. Et en fait, les gens étaient tellement écœurés par leurs représentants qui les avaient trahis, qui avaient supprimé 30% du corps électoral, que cette République est tombée. Pour que le pouvoir puisse tenir et qu'il soit stable, et le fait qu'il soit stable, c'est quand même bon pour l'ensemble de la population, ça évite beaucoup de conflits, de destruction. Il est important que le pouvoir ait quand même une grosse représentativité. Et avoir un système électoral qui donne du pouvoir à une petite minorité, c'est dangereux pour nous tous. Et donc, on peut parler du tirage au sort, on peut parler de plein de choses, mais à un moment, il faut que le pouvoir en place soit soutenu par une majorité ou une grosse minorité des gens. Sinon, c'est dangereux, c'est un risque de guerre civile. Et parler de ce problème, c'est de la politique, c'est la gestion de la cité. Voilà. Merci. Tu veux rebondir peut-être sur le fait que majorité soutienne le pouvoir en place, le fait de pouvoir être élu, même si on est citoyen, que le fait que n'importe qui puisse être élu, ça peut permettre aussi aux gens de se dire si je pouvais être élu, je vais soutenir, enfin déjà a priori, le pouvoir qui sera en place. Donc même s'il y a du tirage au sort, le fait de pouvoir se dire je vais être élu, je peux participer aux décisions politiques, ça va permettre un soutien un peu plus grand que des systèmes électifs, par exemple. Merci, oui. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a un atelier jour debout qui va avoir lieu, qui va commencer là dans quelques instants, pour le 23 avril, un rassemblement sur toutes les places de France. Donc, si ça vous intéresse, allez-y, ça peut être intéressant de voir comment on peut s'organiser ça. Merci. Bon, tant qu'à faire, je vais faire aussi une petite annonce. Tout à l'heure, à 16h30, on va parler de Guyane. Et donc, je pense qu'on sera ici avec les haut-parleurs orientés dans ce sens-là pour pas gêner les autres ateliers. Pour revenir, en fait, sur les systèmes électoraux, finalement, qui fonctionnent pas si bien que ça et qui a tendance à concentrer le pouvoir entre les mains d'une petite nombre d'individus, mais pendant une longue période, et donc du coup de les soumettre au hasard du contexte. C'est-à-dire que nous aujourd'hui on vote dans un contexte, mais dans 2 ans, 3 ans ce contexte aura changé, et donc du coup on a lancé des gens sur des contextes qui ne correspondent plus au contexte dans lequel on les a choisis. Et donc il y a plusieurs solutions qui existent. Je vais revenir rapidement sur le tirage au sort. Aujourd'hui, c'est une idée qui est pas mal en vogue. Moi, je suis globalement plutôt contre parce que je trouve que quelqu'un qui est tiré au sort peut ensuite être embauché par des grosses boîtes qui pourraient y trouver un intérêt à promettre quelque chose à des gens, à des individus qui participent à l'élaboration des lois. C'est comme, par exemple, un président de commission européenne qui, sans doute, a rencontré souvent Goldman Sachs pendant son boulot et qui, en fait, à la fin, est comme par hasard embauché par Goldman Sachs. Et on s'étonne pourquoi Goldman Sachs n'a pas été jugé pour ce qu'ils ont fait en Grèce. Donc du coup, ce qui me fait dire que ça pourrait aussi arriver dans un tirage au sort, Monsanto pourrait promettre l'embauche de 15, 20 personnes tirées au sort, et du coup, ça va orienter complètement les décisions des gens qui sont tirés au sort. Ce qui me fait penser en fait à ce qui s'est passé pendant la Commune, il y avait un comité qui décidait et qui était totalement anonyme. Peut-être que s'il y avait un tirage au sort, il faudrait que les gens soient choisis, mais à la condition exclusive que ce soit des gens dont on ne connaisse pas l'identité, et du coup qui puissent pas profiter de cette position de pouvoir. Une autre solution qui est peut-être un peu plus innovante, un peu plus inconnue, qui s'appelle la démocratie liquide. Alors je ne sais pas si des gens ont déjà entendu parler de ça. C'est la démocratie liquide, c'est l'idée que en fait l'électeur, le citoyen peut déléguer sa voix à un expert, qui peut lui-même déléguer sa voix à un expert, mais avec les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui peut se faire dans l'instant. Et comme ça peut se faire dans l'instant, c'est en fonction finalement de ce qui est en train de se décider. S'il y a une loi qui va se décider sur, sur légiférer sur l'avortement, eh bien, il pourrait y avoir beaucoup de lois, beaucoup de gens qui vont déléguer à quelqu'un qui va peut-être essayer de lutter contre cette législation pour faire en sorte que ça soit une liberté de choix. Je prends un exemple de politique et ainsi de suite. Enfin, en fait, l'idée, c'est vraiment de déléguer ce principe de liquidité. C'est vraiment l'idée de que ça se répande comme ça en fonction des options politiques. Et du coup, ce qui est important, c'est que la personne à qui on délègue le pouvoir ou délègue le vote, c'est une personne qui possède, qui va avoir une forme de légitimité à force d'assumer le rôle qu'on lui a assigné. Et si plus il assume son rôle, plus au fur et à mesure, on va lui faire confiance et on va lui déléguer le pouvoir. Et donc, du coup, on n'est plus dans un système de mandat, de hasard par rapport au contexte, mais on est plus dans un dialogue permanent de soutien, de rapport de confiance avec des individus qui vont avoir le soutien de la population sur un certain nombre de choses. Et du coup, on est moins dans le hasard, on est plus dans finalement un rapport de confiance constamment renouvelé par rapport à ce qui doit être fait. Je pense que c'est possible d'échapper à ce hasard et que finalement, c'est le système de mandat, de période comme ça qui nous piège un peu, je trouve. Tu parlais au début des lobbies, en fait, des problèmes des lobbies, du fait qu'un représentant, un élu, peut être acheté par une compagnie, ce qui arrive maintenant aujourd'hui en Europe, un peu partout dans le Conseil européen, où des entreprises achètent des personnes, en fait, ou payent des gens pour voir des élus, pour leur dire « Ah, c'est bien de prendre cette décision ». Donc vraiment le lobby, qui est vraiment une des choses particulières au système actuel électif. Et je pense que le hasard, par exemple, l'élection d'une personne et le renouvellement de cette personne assez souvent, serait un moyen de combattre ces lobbies, justement. Parce que si on a une compagnie qui va investir dans la personne qui a été élue au hasard, donc on va élire une personne au hasard, on tire par tirage au sort, et cette compagnie met plein d'argent sur cette personne qui va être révoquée la semaine d'après et pour être remplacée par une autre personne qui va être élue au hasard. Oui, mais le mandat, justement, deux choses importantes dans l'élection au hasard, c'est par tirage au sort et la révocation possible des élus. En fait, la révocation de cette personne assez rapidement. Et l'idée que, justement, si une compagnie investit dans une personne qui a été élue par le hasard, elle va devoir réinvestir et réinvestir. Enfin, c'est vite un jeu perdant pour cette compagnie. Jusqu'à la vérification, puis après on... Pardon, oui, j'ai pas été clair. En fait, je pensais à après le mandat. C'est-à-dire que pendant le mandat, il y a juste une offre d'emploi faite par Monsanto. On va embaucher 20 personnes qui font partie de ce jury élu au hasard. Mais on pointe personne en particulier. Mais après leur mandat, on va les embaucher. C'était ça que je veux. C'est pas pendant le mandat, c'est pas pendant l'exécution. C'est après. Ce que je veux dire, c'est un truc qu'on avait développé justement dans la société, dans l'atelier « Quelle société veut-on ?». C'était qu'en fait, on vote pour un programme et on tire au sort qui va l'appliquer. Voilà. Donc, dans ces cas-là, de toute façon, le seul rôle qu'a cette personne-là, c'est de trouver les moyens pour appliquer ce programme.